Oh non, il y a encore le chien des voisins qui fait pipi chez nous. Faut faire quelque chose, là. Bah, on va quand même pas clôturer tout le jardin, enfin. Et pourquoi pas ? Depuis plus de 30 ans, Brico Dépôt s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comme avec le panneau Cisco à occultation complète à 27,30€ et en stock. C'est ça, un prix dépôt. Brico Dépôt. Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Panneau de 180 cm de haut, 180 cm de large et 2,5 cm d'épaisseur. Installation facile par emboîtement, voire conditions sur bricodépôt.fr. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, de quoi la haie est-elle le signe ? Les haies réalisent au sein des bocages bien des fonctions qui sont toutes précieuses. Elles délimitent les parcelles, parquent et protègent le bétail, fournissent du bois à couper, absorbent l'eau, tandis que les fossés qui résultent de la création des talus où elles sont plantées canalisent cette même eau. Or, bien qu'elles soient fort utiles, leur longueur totale diminue à grande cadence. Des milliers de kilomètres de haies disparaissent chaque année du paysage français. Un rapport du ministère de l'Agriculture daté d'avril 2023 établit même que ce phénomène s'accélère. La perte est passée de 10 400 km par an en moyenne entre 2006 et 2014 à 23 500 km par an entre 2017 et 2021. Et je ne parle pas des haies dites sauvages qui fondent elles aussi. Au train où vont les choses où vont les trains pourraient bientôt cesser d'être des gares, pour parler comme Pierre Dac. Lieu d'un entre-deux, situé au croisement de la nature et de la culture, à la fois limite et trait d'union, que représentent donc ces sortes de murs vivants que sont les haies ? De quoi sont-elles le symbole ? Inclinent-elles à nous faire voter plutôt à gauche ou plutôt à droite ? Et surtout, qu'apprendraient les humains que nous sommes s'ils fréquentaient davantage l'école des buissons ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Sonia Fertschak. Bonjour. Bonjour Étienne Klein, bonjour à tous. Vous êtes essayiste et vous venez de publier un livre paru chez Philosophie Magazine Éditeur qui s'intitule « Éloge de la haie pour un désordre végétal ». J'ai une première question, Sonia Fertschak. Que veut dire le mot haie ? Quelle est son étymologie ? J'ai cru comprendre en vous lisant qu'elle serait une affaire de sorcellerie. Oui, la haie a tout à voir avec effectivement les sorcières, que ce soit en vieil anglais hag, qui veut dire bâton, bois sacré, ou en vieil allemand hag, agu, c'est la sorcière. En fait, la agazuza, c'est la chevaucheuse de bâton, c'est la déesse des haies. Et effectivement, passer la haie n'est jamais anodin. L'anthropologue Jeanne Favret-Saada, dans les mots, la mort, le sort, parlait déjà de ce bocage où on s'épie, où on s'espionne, où on s'ensorcelle. Et passer la haie n'est jamais anodin, c'est changer de monde. Alors je dois vous confesser qu'avant de lire votre livre, j'étais sceptique. Je doutais que les haies soient un sujet si important, que c'était pas un sujet, disons, grandiose. Il n'y a pas beaucoup de livres de philosophie consacrés à la haie, me semble-t-il. Vous n'êtes pas le seul. Pourquoi ? Il y a d'autres qui vous ont fait la remarque ? Ah oui, j'ai eu beaucoup de regards circonspects, de quolibets, mais quoi ? Mais en fait, quand on vous lit, on découvre que c'est un véritable objet de pensée. Et d'où vient que pour vous, elles sont apparues comme justement des objets de pensée ? Vous les appelez parfois rubans de forêt ou bien guirlandes végétales. Et on comprend en vous lisant que vous avez passé beaucoup de temps à les observer, à les voir évoluer, à comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, au tout départ, c'est grâce à mon chien. Je me trouvais en Angleterre à l'été 2022, dans le Yorkshire, et je déambulais derrière ce canidé le long de potagers partagés, on disait autrefois jardins ouvriers, et ces parcelles étaient séparées de hautes haies qui étaient absolument foisonnantes, et je voyais ce chien qui était tout fou dans les haies. Et tout à coup, je me suis arrêtée, je les ai regardées, je me suis dit, ce sont des murs, c'est-à-dire que ça m'empêche de voir le jardinier de l'autre côté, de voir ce qui s'y passe, mais ce sont des murs vivants. Et là, je me suis dit, mais murs vivants, c'est quand même un peu une contradiction, c'est intéressant. Et l'essayiste en moi a plongé dans la haie. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que vous alliez en Angleterre pour faire ce constat ? Est-ce que la France ne permet plus de faire ce type d'expérience? Alors, Dieu merci, si. Mais c'est vrai que pour les Anglais, la haie, ça fait partie du patrimoine national. Les Anglais ont un rapport particulier à la nature, et spécialement à la haie, puisque du 17e jusque encore aujourd'hui, les Enclosure Act, le mouvement des enclosures ou enclôtures, a fait que des seigneurs qui permettait à tout un chacun, au commun, de cultiver les champs en open fields, les ont séparés pour réserver leur culture à quelques-uns. Marx y voit un des ferments du capitalisme. Et donc, les Anglais ont conservé amoureusement leur haie, parce que finalement, ces clôtures entre les champs, c'était des clôtures végétales. Et ils se sont rendus compte de leurs attraits nombreux. Et pourquoi est-ce qu'elles ont disparu ou disparaissent aujourd'hui très rapidement en France, même si on tente, je crois, d'en reconstruire aussi, mais la tendance est quand même à la baisse. Est-ce que la France a géré ses haies d'une façon complètement différente ? Complètement, notamment en raison du remembrement qui, dans les années 50, cette décision de réunir des parcelles pour faire passer des machines de plus en plus grandes, la mécanisation... le fait de faire passer des voitures, la diminution de l'élevage en pâturage, tout ça a fait que effectivement les 75% des haies ont disparu depuis les années 50 en France. Ce qu'on n'ont pas fait les Anglais, ils ont moins de routes aussi, il y a beaucoup plus d'embouteillages. On n'a pas le même rapport à la haie, mais on en prend conscience. Alors vous excuserez la naïveté de ma question parce que j'y connais rien, mais est-ce que ça a un rapport avec la différence qu'il y a entre les jardins dits français ou à la française et les jardins à l'anglaise? Alors oui, je le crois, mais c'est vraiment un rapport à la nature qui est très jardin à la française. C'est le jardin, j'ai envie de dire cartésien, qui est complètement quadrillé, où la nature est dominée, soumise. Le jardin anglais est beaucoup plus foisonnant. En travaillant à ce livre, je me suis fait la réflexion que le jardin anglais était souvent en trois dimensions, c'est-à-dire que les murs comptent énormément, les lianes, le trait d'union entre les arbres et les herbacées. Le jardin à la française, il est plus regardé, fait pour être regardé du dessus, il est en deux dimensions. On s'en rend compte d'ailleurs en traversant la France, alors Dieu merci, il y a encore plein de haies, mais rien que les jardins, on voit qu'ils sont souvent plantés pour être observés du dessus, d'un perron, alors que le jardin anglais, il est foisonnant. On a l'impression d'un joyeux désordre. Est-ce que cette diminution du nombre de kilomètres de haies en France a à voir avec la disparition, en tout cas la baisse de l'élevage? Oui. Parce que c'est quand il y a un élevage à faire qu'on met des haies, non? Ah ben oui, c'est vrai que historiquement, ça c'est intéressant aussi parce que la haie, vous l'avez dit, elle est vraiment entre nature et culture. Historiquement, depuis l'Antiquité, voire le Néolithique, on a retrouvé des traces de pieux, de haies sèches. C'est-à-dire que la haie a servi depuis qu'on a élevé des bêtes à parquer le bétail, à le protéger, à l'empêcher de partir, à le protéger. Et donc la haie, oui, elle a à voir avec le bétail qui pâture et non pas le bétail. Donc c'est l'apparition de l'élevage finalement qui a favorisé la création des haies. Oui. Mais on parle aussi de haies naturelles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une haie naturelle? Quand on parle de haies naturelles, en fait on parle souvent d'un artifice, de haies qui ont été, alors peut-être pas plantées totalement, mais qui ont été entretenues. C'est-à-dire que il y a un moment entre deux parcelles, on a planté un arbre, deux arbres, des buissons, et puis il y a des choses, des plantes qui sont apparues d'elles-mêmes. Donc c'est vraiment une imbrication entre la nature et la culture. C'est un ouvrage commun en fait entre les hommes et le vivant. Vous citez une une du journal Libération qui date de septembre 2023. Le titre, c'était « Tout le monde veut de la haie ». Oui, alors c'est donc facile. J'imagine qu'on en replante, on dit replanter, on en oui, reconstruit. Replante. On replante des haies. Mais est-ce que c'est un phénomène réversible? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait revenir à l'état initial? Ou est-ce que les pertes sont tellement grandes qu'on ne pourra jamais retrouver la situation antérieure? Alors, je suis sans doute pas assez calée pour répondre à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que la haie, elle est très vite efficace. En fait, la nature, de façon générale, est assez résiliente. Elle rend bien les soins qu'on lui prodigue, et la haie est très résiliente et surtout quand elle est justement naturelle, c'est-à-dire plantée avec des espèces locale, des essences du lieu même, et qu'elle est variée. Ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que la haie, on a tendance à penser que c'est un non-lieu, alors qu'en fait, c'est un super lieu. En écologie, on parle d'écotone, c'est-à-dire que c'est la somme, en matière de biodiversité, de qualité, des deux écosystèmes qu'il aborde. C'est-à-dire que si elle est entre une rivière et une forêt, elle a les qualités de biodiversité des deux écosystèmes, et la rivière et la forêt. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est un écosystème insignifiant, on pense même pas à la haie comme un écosystème, alors qu'en fait, c'est extrêmement précieux la haie. Vous citez une étude anglaise qui montre que, en tout cas des naturalistes anglais, ont comptabilisé 2070 espèces vivantes, dont seulement 90 mètres de haies. Il y a 1700 espèces d'insectes, une trentaine d'escargots, 50 d'araignées, 120 plantes, 80 champignons et lichens, une cinquantaine de vertébrés, dont des hérissons, des crapauds, des belettes, des lapins, des loirs et de nombreux oiseaux. Est-ce que on voit sur cette biodiversité contenue dans les haies un effet du changement climatique? Est-ce que cette biodiversité se réduit? Et alors, est-ce qu'on peut en connaître la cause? Alors, je ne sais pas si elle se réduit, mais moi, j'ai observé, en tout cas, que, par exemple, dans les haies qui longent une rivière que je connais depuis plusieurs décennies, qui est à la limite du Perche, j'ai vu, par exemple, arriver des argiopes, ces très jolis épères tigrés, jaunes et noirs, un peu comme un mélange entre le zèbre et l'araignée. Je sais, ça peut paraître curieux. Et ces argiopes, quand j'étais petite, elles ne dépassaient pas le nord de la Loire. Dans la même région, on voit des lézards gris, des murailles, on n'en voyait pas avant. Même à Paris, vous avez sur votre veste un lucane, un faux. Vous avez un bon œil. Eh bien, les lucanes, pareil, c'était une bestiole du sud de la Loire. Aujourd'hui, on en voit l'été à Paris, c'est extraordinaire. Donc, en tout cas, il y a un changement de végétation, de faune et de flore, oui, avec le dérèglement climatique, c'est sûr. Et qu'est-ce qui explique que les haies soient, comme vous l'expliquez dans le livre, des sortes de condensateurs de biodiversité? Pourquoi les animaux, les espèces vivantes que j'ai citées, trouvent là un refuge, un lieu de vie qui leur est propice? Une haie, on peut parler de forêt lisière, c'est une bande de forêt, contrairement à la forêt bloc, celle dans laquelle le petit pousset s'est perdu. Et donc c'est la forêt serait vous coupez la forêt en tranches et vous avez une haie. Et donc il y a absolument tout, il y a de l'herbacée jusqu'au arbre de auget, vous avez une biodiversité incroyable, et vous ajoutez à ça que, et c'est un effet extrêmement positif de la haie forme, pour nous c'est une limite, mais comme elle est épaisse, à condition qu'elle soit justement bien dodue et buissonnante, elle forme un corridor, un couloir pour de nombreuses espèces qui vont s'y balader, qui vont passer d'un point à un autre sans être vues, donc en toute sécurité. Et ça explique aussi la richesse de la haie. On pourrait aussi parler de la résilience de la haie. C'est-à-dire que quand elle est justement constituée d'une multitude d'essences, d'espèces, celle qui résiste mieux à un stress hydrique ou au dérèglement climatique, aux canicules, elles vont protéger les autres espèces, elles vont empêcher certains animaux de mourir, et donc elles vont permettre à la haie de se régénérer. C'est ce qui fait que c'est un écosystème qu'on dit résilient. On peut faire l'expérience, j'aime bien cette pour les enfants par exemple, cette expérience chez soi, on prend deux jardinières, il y en a une, on met une seule espèce, par exemple j'ai des anémones, et dans l'autre on met plein d'espèces, du lierre, un Muehlenbeckia et les anémones. Et puis on les soumet, justement on les oublie. Et on va voir que si les anémones meurent, tout meurt. Alors que dans la jardinière où il y aura plusieurs espèces, il suffit qu'il y en ait une qui résiste, et dans ces cas-là, quelques insectes, des cloportes, tout ça vont rester, et donc le système va se régénérer. Bon, Sonia Ferjag, on vous entend depuis un petit quart d'heure et on comprend que vous êtes amoureuse des haies. Oui. Mais tout le monde ne l'est pas. Ah bon. Vous citez Jules César, qui parle des haies dans La guerre des Gaules. Il parle des plus farouches des Belges, qu'on appelait les Nerviens, qui, l'explique-t-il, avaient recours à des barrières végétales afin de mieux faire obstacle à la cavalerie de leurs voisins dans le cas où ils viendraient faire des razzias chez eux. Les Nerviens, dites-vous, dépourvus de cavalerie, courbaient de jeunes arbres qui développaient en largeur des branches entre lesquelles poussaient des épineux, si bien, et là je cite Jules César, si bien que ces haies, semblables à des murs, leur offraient une protection que même le regard ne pouvait violer. Notre armée, embarrassée, était embarrassée dans sa marche par ces obstacles. Oui, donc c'est des armes de guerre aussi. Ah mais complètement. César se croyait super fort avec sa cavalerie. En fait, les Nerviens, ils avaient inventé le plessage. Enfin, ils pratiquaient le plessage. Donc c'est ça. Ils incisaient les branches de ces épineux qui poussaient dans tous les sens, notamment horizontalement. Et ça faisait une barrière infranchissable. Il n'y a pas que Jules César qui n'aimait pas les haies. Il y a aussi Raymond Devos qu'on va écouter chanter par François Morel. Je hais les haies qui sont des murs, je hais les haies et les mûriers qui font la haie le long des murs. Je hais les haies qui sont de houx, je hais les haies qu'elles soient de murs, qu'elles soient de houx. Je hais les murs qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou. Je hais les haies qui nous emmurent, je hais les murs qui sont en nous. Karaoké. Je hais les haies qui sont des murs. Je hais les haies et les mûriers qui font la haie le long des murs. Je hais les haies qui sont de houx. Je hais les haies qu'elles soient de murs, qu'elles soient de houx. Je hais les murs qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou. Je hais les haies qui nous emmurent. Je hais les murs qui sont en nous. One again. Je hais les haies qui sont des murs. Je hais les haies et les mûriers qui font la haie le long des murs. Je hais les haies qui sont de houx. Je hais les haies qui soient de murs, qui soient de houx. Je hais les murs qui soient en mur, qui soient en houx. Je hais les haies qui nous emmurent. Je hais les murs qui sont en nous. Je hais les haies qui sont des murs. Je hais les haies et les mûriers qui font la haie le long des murs. Je hais les haies qui sont de houx. Je hais les haies qui soient de murs, qui soient de houx. Je hais les murs qui soient en mur, qui soient en houx. Je hais les haies qui nous emmurent. Je hais les murs qui sont en houx. Je hais les haies qui sont les murs, je hais les haies qui nous emmurent. Qu'est-ce que vous pouvez objecter à ces paroles de Raymond Devos, ce Nafer Jack? Alors, j'aime beaucoup cette chanson, mais j'ai, H-A-I-E, me, les haies, quant à moi. J'objecterais qu'il ne voit que le mur, et il ne voit pas le mur vivant. C'est-à-dire qu'il voit la clôture, il voit la barrière, la limite, il voit le piquant. Et il voit des barbelés, en fait. Il voit des barbelés. Il voit que la fonction défensive de la haie. Ça, c'est intéressant. Le barbelé, en fait, c'est de la ronce. C'est de la ronce métallique. Voire le fil électrique, c'est la ronce qui envoie du jus. C'est uniquement la fonction défensive de la haie, alors que la haie, elle est aussi abri, lieu de drague pour les animaux, garderie, garde-manger, abri contre le vent. Et puis, elle est belle. Mais comment est-ce qu'elle voterait les haies si elle devait voter aux européennes? Est-ce qu'elles sont plutôt de gauche ou plutôt de droite? C'est une question que je posais dans mon introduction et à laquelle vous répondez partiellement dans votre livre. Avec un petit doute. Il y a un petit côté centriste qui émane. Oui, c'est ça. Les haies, elles sont à la fois. C'est-à-dire que, comme c'est un mur vivant, en tant que clôture, et on évoquait le mouvement des enclosures, ça, c'est plutôt de droite, c'est plutôt la propriété privée, c'est plutôt, voilà, je mets ma limite, là, c'est chez moi, et je protège. Mais ce qui est intéressant, c'est que, notamment avec le dérèglement climatique, on a considéré soudain les haies non plus uniquement comme une limite, mais comme un écosystème extrêmement riche, on l'a vu. Et là, c'est Charles Stepanov, l'ethnologue, qui dit, si vous voulez voir un bocage intact, dense, allez dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, parce que depuis 70 ans que c'est une zone à défendre, le bocage n'a pas été touché, il devient justement un bocage intact et riche. Et donc, en tant qu'écosystème, surtout un écosystème qui déborde, qui n'est jamais totalement aussi linéaire que le voudrait le jardinier ou le cantonnier ou l'agriculteur, la haie, elle est plutôt foisonnante et de gauche. Mais vous faites une lecture politique du paysage. Oui, alors je suis pas la seule. On voit d'ailleurs, je trouve ça extrêmement intéressant, on voit revenir dans les sciences humaines la géographie, le paysage. Alors, j'étais il y a pas longtemps invitée dans le lycée agricole du Bourbonnais, et c'était passionnant. Et j'ai fait une petite intervention et je parlais des agriculteurs et de l'agriculture. Et il y a un monsieur qui m'a interpellée en disant « mais vous parlez pas des paysans, et dans paysans, il y a pays. Et je lui dis, oui, mais dans l'agriculture, il y a culture. Et c'est vraiment la culture du pays, et je pense que dans la haie, on l'a vu récemment avec la crise agricole, comme les agriculteurs qui s'en sont servis comme du symbole de la folie administrative, je pense que outre cette folie administrative, il y a vraiment cette idée de notre attachement au paysage, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, et ça je m'en suis rendu compte, c'est-à-dire que outre les colibets que j'ai pu essuyer, beaucoup de gens à qui je parlais de mon sujet me disaient « Ah mais oui, mais en fait quand j'étais petit, les haies, il y en avait derrière chez moi, j'allais chercher mon frisbee et je me griffais en regardant à l'intérieur et j'avais peur qu'il y ait un sorcier dedans, et j'ai rencontré des crapauds, etc. » Et donc, la haie, elle fait partie de notre histoire commune. Et je pense qu'il y a là quelque chose de très politique. Mais qu'est-ce qui a fait, Sonia Fertschak, qu'on les a laissés, non pas disparaître, mais en tout cas diminuer de façon très conséquente, sans voir que ça allait abîmer des choses? D'abord, il y a de moins en moins d'agriculteurs, de moins en moins de cantonniers. Et puis, on s'est pas rendu compte que il faut le manque, en fait, le manque de proximité avec la nature pour se rendre compte que c'est un écosystème riche. Et c'est vraiment, c'est une idée du livre, c'est-à-dire que c'est un écosystème riche et de proximité qui nous permet de renouer, en fait, avec le sentiment du vivant. Il y a un concept que j'ai appris en travaillant sur ce sujet qui me plaît énormément. C'est le concept d'extinction de l'expérience. On le doit à l'épideptoriste américain, Robert Michael Pyle. Et il raconte, c'est très joli dans son article sur l'extinction de l'expérience, que quand il était petit, dans le Colorado, pour aller à l'école, il traversait notamment une sorte de marécage, un terrain vague très humide, et sur lequel, du haut de ses 7 ans, il avait repéré un petit papillon qui s'appelait un bronzé d'Amérique. Et d'ailleurs, il y en a en France, on peut les admirer, des petits papillons marron bleuté, très jolis. Et puis un jour, le marécage a été transformé en parking. Et donc lui s'est rendu compte de la disparition des bronzés d'Amérique qui étaient allés butiner ailleurs, mais il s'est dit personne d'autre. Et donc il a fondé cette notion, ce concept, qui est en fait extrêmement évident, c'est que quand une espèce disparaît, notre expérience de cette espèce disparaît avec elle. Et quand notre expérience de la proximité avec une espèce disparaît, on se prend pas compte qu'elle a disparu. Et ça, je trouve ça absolument génial. Et la haie peut pallier cette extinction de l'expérience parce que il y en a tout proche. Juste là, au sortir de la maison de la radio, il y a des haies. Alors des haies de Fautinia, il y a pas grand chose. Hein, on n'est pas dans le bocage normand ou dans le bocage bourbonnais, mais on peut admirer des haies, les regarder et se rendre compte à quel point il y a de la vie dans la haie et comme c'est passionnant. Je vais le faire en sortant d'ici. Mais quand on lit votre livre, Sonia Fertschak, qui s'appelle donc Éloge de la haie, on apprend plein de mots, de noms, de fleurs, de plantes, d'animaux. Et par exemple, je ne savais pas qu'il existe des roses cuisses de nymphes. Ah oui. Mais il y en a d'autres qui s'appellent des roses cuisses de nymphes émues. Oui, alors je me suis posé la question de savoir quelle était la différence entre ces différentes sortes de cuisses de nymphes, selon qu'elles sont émues ou pas. C'est vrai que on retourne là du côté de la sorcellerie, du côté des noms de plantes, mais on s'ennuie jamais. C'est un voyage dans les régions, dans l'autrefois. Alors c'est Colette qui a un très très joli passage dans la maison de Claudine, je crois, ou dans Sido, et c'est donc Sido, la mère de l'écrivaine, qui était très jalouse de ses rosiers, et néanmoins un jour elle a donné une de ses roses qui sont elles ont effectivement, c'est un rose très particulier, un rose un peu comme de la peau blanche, et alors il y a une très légère variation de couleur entre le cuisse de nymphe et le cuisse de nymphe ému. Ah, c'est ça. Oui, il y a une variation de couleur, et puis elles sont extraordinairement parfumées, donc ça en fait des stars, notamment des stars des haies. Et donc Sido arrache une rose, elle qui ne voulait en donner à personne, et elle la donne à manger à un petit bébé. Et donc le bébé se délecte de cette rose, il la mange, et Colette raconte ça, et c'est génial, elle dit qu'elle est bouffée de jalousie. Alors, il y a d'autres noms de plantes que vous citez, mais c'est pas du tout exhaustif, mais vous parlez de chou de chien, de pois à crapaud, de tabouret des champs, d'herbe aux femmes battues, d'épines de rat, de dame de 11 heures, de chevalier d'11 heures. Enfin, Ils sont pas à la même heure, la dame et le chevalier, là. Non, c'est pas du tout les mêmes plantes. Il y en a une, c'est l'ornithogale, et l'autre, c'est une sorte de pourpier. Mais c'est vrai qu'on a envie de les faire se rencontrer. Non, mais on s'ennuie jamais ils dans sont, un astre. Ils sont à la même heure, mais pas au même endroit. Exactement. Ils se ratent. Et, vous dites que finalement, les haies, bah, séparent des espaces, elles créent finalement des propriétés qu'elles délimitent. Du coup, elle crée une potentialité de conflit. Enfin, on peut se battre pour des haies, ou à propos de haies, comme on se bat à propos de frontières entre pays. Bien sûr, c'est toutes souvent les querelles de voisinage se passent de part et d'autre de la haie. La haie, c'est une figure, de ce point de vue-là, de la littérature, du cinéma. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut se battre aussi entre espèces, en observant attentivement les haies. J'ai essayé de me figurer que j'étais la haie. C'est pas la même chose pour un mouton, pour qui c'est une limite et éventuellement un abri, pour une coccinelle qui vit dedans, c'est son pays, et pour un humain. Donc on a tous une façon, et entre deux voisins, on va pas la considérer de la même façon. C'est-à-dire que pour un voisin, ça va être une gêne, et pour l'autre, ça va être la haie de sa grand-mère, pleine de groseilliers. Oui, quand vous dites des murs, c'est pas pour tout le monde. Il y a des espèces animales qui peuvent traverser les haies presque par effet tunnel. Exactement. Comme les coccinelles. Et puis pour les moutons, une haie, c'est vraiment un mur. Oui, alors ça, je trouve ça absolument passionnant. C'est-à-dire que avant-hier, je revenais du Cher et en voiture, j'ai traversé une forêt domaniale. Et donc la route scinde en deux la forêt, donc elle est responsable de ces phénomènes de déco-fragmentation qui sont une des grosses causes de baisse de la diversité, c'est-à-dire qu'on fractionne le paysage avec nos infrastructures humaines sans forcément réaliser, sans penser que, si ça se trouve, eh ben on coupe un blaireau des serres d'un point d'eau ou du lieu où ils se reproduisent et se nourrissent. Et la haie, donc là, on crée des vraies frontières. Donc, mais pour nous, en même temps, pour nous, la route, c'est un tunnel, c'est un corridor. Elle nous permet de relier, en l'occurrence, pour moi, c'était le Cher à la capitale. Donc il y a des conflits de corridors. Ah, conflits de corridors, conflits interespèces. Mais la haie, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que pour moi, elle m'empêche de passer d'un champ à l'autre, mais pour le blaireau ou pour le cervidé, elle va être un corridor. Donc c'est exactement l'opposé, l'inverse de la route qui coupait la forêt. Donc c'est intéressant parce que on est toujours au bord de quelque chose. C'est l'expérience illimitée du bord là, entre nature et culture, entre limite et corridor, entre intérieur et extérieur. C'est passionnant. Mais alors, je me suis demandé, peut-être vous pouvez m'aider, quel serait l'équivalent de la haie dans d'autres champs disciplinaires que celui que vous décrivez, à savoir celui des paysages, de l'agriculture. En physique, ça donnerait quoi, la haie? Ça serait une barrière de potentiel ou bien un semi-conducteur, peut-être? Ouais, une et membrane. Et en biologie, c'est la membrane pour les cellules. On enferme et en même temps, on est en contact avec l'extérieur. Et on laisse passer de façon parcellaire. Quand j'ai été dans ce lycée agricole, il se trouve que je suis intervenue aussi auprès de jeunes filles qui étaient dans une autre section sapate, soins à la personne. Et donc, elles se destinent à travailler dans des EHPAD, à être aides-soignantes, etc. Et je leur dis, mais vous êtes les de la société. C'est-à-dire qu'elles ont un boulot qui va pas être jugé comme un boulot à responsabilité, mais elles vont faire le lien entre les gens, elles vont s'occuper des corps quand ils sont vulnérables. Et je trouve que les aides de la société, bah, c'est ultra intéressant parce qu'on a tendance à ne pas y prendre garde et on en aura tous besoin un jour ou l'autre. On en a tous eu besoin. Et voilà, je pense que c'est important de valoriser les haies, y compris entre les humains. Donc ça donne une raison, disons, plutôt symbolique de ne pas les faire disparaître. Ah, surtout pas. Mais vous dites, la haie est un monde. Et moi, je me demande si on peut pas inverser la proposition et se demander si le monde n'est pas une haie. C'est-à-dire que ce que j'appelle le monde, c'est pas l'univers, c'est le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes sur Terre, dans l'atmosphère, on va à des vitesses lentes, et on est trompé par le fait que ce monde nous semble régi par des lois qui ne sont pas les mêmes que celles de l'univers. Autrement, on a une perception de l'univers, mais on est un peu trompé sur sa nature, de la même façon que lorsqu'on est dans une haie, on croit à certaines lois qui peuvent être démenties par l'extérieur de la haie. Ah oui, alors je trouve qu'on rejoint là un peu encore la sorcière, c'est-à-dire qu'on change de, je pense à deux choses, on change de monde, donc on passe l'échelle, l'échalas, on passe par-dessus la haie, il y a un autre monde qui nous est étranger. C'est la première chose, et c'est vrai, en vous écoutant, je pense aussi à l'Annonciation, enfin Fra Angelico, un des tableaux, enfin je crois qu'il en a peint plusieurs, des Annonciations, Fra Angelico, et effectivement, il y a cette haie qui sépare le lieu de l'Annonciation du paradis où l'homme et la femme On péchait en goûtant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a quelque chose avec la connaissance du monde, en tout cas, de l'autre côté de la haie et dans la haie. C'est presque une caverne de Platon. Ah bah oui, oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça nous donne une image d'un monde qui est certainement complètement faussée. Alors, Sonia Fairchild, vous dites que la haie crée des mondes. Alors, elle est un monde et elle crée des mondes. Oui, alors elle crée des mondes. Alors, vous ça, dites on... qu'elle est capable d'investir le néant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire investir le néant quand on est une haie, une plante dans une haie ou un animal qui y niche? On parle de plantes pionnières qui sont les premières plantes ou les premières espèces à justement accaparer un espace, à repousser, repeupler un espace qui a été dévasté par un incendie, par une tempête. Et ça donne raison à Aristote, la nature a horreur du vide. Et donc on voit ces plantes pionnières et qui très vite forment une haie. Il faut savoir que donc la haie, on peut la qualifier de forêt lisière, de forêt linéaire. Or, dans nos espaces tempérés, et pas seulement d'ailleurs, si on laisse faire le vivant, à terme, on obtient une forêt. Donc une haie. Est-ce qu'on peut écouter un autre morceau de musique, c'est l'affaire de la cause que vous avez choisi? Il a été composé par David Chaillou, que vous connaissez, je crois. Oui. Et ce morceau s'intitule « Forêt ». Forêt. Sonia Fairchild, qu'est-ce qui vous fait penser que cette musique qu'on vient d'entendre est en résonance avec l'idée de « haie » pour parler comme Hartmut Rosa? Alors justement, c'est la résonance. Je trouve que c'est une musique où le dialogue entre le piano et les chants d'oiseaux est vraiment très fin, très, très riche. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils se répondent. À la première fois que j'ai écouté ce morceau, j'ai entendu comme ça cette chouette et je me suis retournée vers ma fenêtre. Il devait être 2h de l'après-midi. Je me suis dit, non, mais c'est incroyable. Est-ce que je vais voir une arfan passer par la fenêtre ou une hulotte? Puis il y a le piano qui lui répond. L'album s'appelle Nature. Et je trouve que ce morceau-là, Forêt, le dialogue entre le piano, c'est Laura Micola au piano, et les oiseaux, m'évoque. Alors la résonance, c'est effectivement ce concept d'Hartmut Rosa pour résister à l'accélération et le fait qu'on passe nos vies sans les vivre, le fait d'être relié, d'être prêt à être ébranlé par les lieux, les choses, les gens que nous croisons. Donc la résonance, ça c'est sûr. Mais c'est aussi quand j'entends ce morceau de David Chaillou, je pense au hors-champ. C'est-à-dire que ces oiseaux-là qui arrivent, j'ai l'impression que je ne sais pas d'où ils arrivent, me font penser à ce phénomène qu'on peut expérimenter quand on longe une haie, qui est qu'on n'est pas apte avec tous nos sens. C'est pour ça que j'avais eu besoin du chien pour prendre conscience de la richesse de la haie. C'est qu'on entend des bruits, mais on ne sait pas de quoi ils retournent. On sent des odeurs avant de percevoir les plantes, et encore faut-il les connaître. Et donc, il y a toute cette idée de monde dont vous parliez. C'est que la haie est un monde qui nous échappe. Et le hors-champ, c'est Deleuze qui parle du hors-champ relatif, c'est-à-dire qui fait que bah voilà, de l'autre côté de la haie, il y a des plantes, il y a un champ, ça je le sais, je le continue en pensée, et un hors-champ absolu qui là est le lieu de l'imaginaire, où j'imagine que dans la haie, il y a peut-être un gigantesque cerf, ou au contraire une mini microscopique musaraigne. voir un monstre et mon imagination s'échappe. C'est ça aussi qui me fait voyager. Et ce morceau, Forêt, m'évoque tout ça. Oui, vous citez Deleuze, la forêt ne se définit pas par une forme, elle se définit par une puissance. Puissance de faire pousser des arbres jusqu'au moment où elle ne le peut plus. Oui, citation. Et la haie, c'est la même chose, elle colonise son environnement. Et c'est pour ça qu'il faut les tailler, non? Alors oui, il faut en prendre soin. Et c'est pour ça qu'il faut les cultiver et que c'est vraiment un... on est entre nature et culture, c'est-à-dire qu'elle pousse d'elle-même, mais il faut rectifier, recéper, remettre un arbre qui serait mort. Et tout cet entretien, effectivement, nous fait prendre conscience de ces bords, de ces lisières. C'est-à-dire que la haie, elle est toujours à la lisière. J'aime bien le concept de Deleuze, c'est-à-dire que c'est la forêt, il prend l'exemple de la forêt, mais donc c'est pareil pour la haie. On ne sait pas où elle commence, où elle est. Si on va tracer un contour, peut-être sur une carte, mais si on s'approche, on va se rendre compte qu'on ne sait pas exactement est-ce que c'est cette première petite herbacée, est-ce que c'est ce chèvrefeuille qui monte le long d'un orme. On ne peut pas exactement savoir. Et donc, c'est vraiment cette dynamique, c'est jusqu'où la forêt est puissante, jusqu'où la haie pousse et change le paysage. Et ce faisant, les haies forment des mondes. Elles forment, et dans les tableaux, elles serpentent. J'évoque aussi la ligne serpentine. Ces lignes qui nous mènent par le regard d'un point à l'autre, qui nous emmènent. Et tout ça aussi relève du hors-champ. Et cette musique, on est toujours à la frontière de l'art et la science. Et dans la frontière de plein de concepts. Vous citez aussi, Susan Fairchild, un artiste et artisan anglais que je connaissais pas avant de vous lire, qui s'appelle William Morris, qui est mort en 1896 et qui dit à peu près la même chose que Deleuze sur la haie. Alors, qui est-il d'abord? Alors William Morris, c'est un homme absolument extraordinaire. Il était à la fois illustrateur, peintre, designer, artisan. Il a été l'inventeur du mouvement Arts and Craft, donc à la fois artisan et artiste. Et en même temps, c'était un des fondateurs de la Ligue Socialiste. Et il voulait, en fait, il réagissait au progrès. Il avait horreur de la gabegie, du gaspillage. Et en fait, il trouvait que dans la nature, et il est très connu aujourd'hui pour ses papiers peints, pour ses motifs qui sont des motifs de haie, c'est-à-dire que il a peint des acanthes, du jasmin, des aubépines, un de ses motifs très connus, le voleur de fraises. On voit un oiseau des fraises, et ce sont des carrés de haie. Et pour lui, cette proximité avec la nature, le fait de lui rendre grâce pour sa puissance, c'était extrêmement important. Small is beautiful. Outre le désir de produire de belles choses, écrit-il, la principale passion de ma vie a été et reste la haine de la civilisation moderne. Ah oui, il y allait pas avec le dos de la cuillère. Et voilà, il voulait en fait contre justement ces villes industrielles. Il écrit en pleine révolution industrielle, hein. Il réagissait à ça et il réagissait aux objets produits en série. Que dirait-il aujourd'hui? Il réagissait à ces objets qui pour lui n'avaient plus de sens. Et donc il a toujours eu à cœur de façonner, que ce soit ce qui est un motif, une tasse, une chaise, un jardin, de façon respectueuse de la résonance, hein. Il était aussi très Hartmann-Trosien, du respect pour toute chose. L'idée d'une société meilleure, c'est ce que vous dites qu'il pense, passe par une éducation qui s'appuierait sur l'art, le beau et la nature. Ouais. Bon. Alors là, vous dites un truc qui me plaît beaucoup, c'est l'éducation. Et je pense que la haie, vous citiez l'école des buissons, je pense que c'est très... Justement, comme c'est un écosystème de proximité, on peut apprendre aux enfants à voir. D'abord, quand on longe une haie, on n'est pas qu'un consommateur. Et on peut apprendre à, non seulement à voir, mais à regarder. Parce que c'est Rousseau qui dit qu'avant d'apprendre aux enfants à nommer... C'est Rousseau, botaniste, à nommer les plantes, les espèces, etc., à nommer les choses, il faut leur apprendre à regarder. C'est vrai que c'est extrêmement difficile de regarder, ça prend du temps, il faut s'arrêter, il ne faut pas se presser. Et c'est vrai que je pense que c'est un service à rendre aux enfants qui en plus ne demandent que ça, d'être émerveillés par le vivant, fût-il insignifiant. Alors je vous propose qu'on leur fasse entendre le vol d'un bourdon. par Rimsky-Korsakov. C'est pas vraiment le vol tel que on peut l'entendre dans la nature, mais il a été retravaillé par ce compositeur. Le vol bourdon, donc c'est une pièce pour violon et orchestre de Rimsky-Korsakov, interprétée ici par Camille et Julie Berthollet. Bon, je vous demande pourquoi ce choix, Sonia Fairchak. J'ai quelques idées, mais quand on entend les premières mesures, on n'a pas vraiment envie d'aller dans la haie si le bourdon qu'on entend y est. Ah si, alors moi je le trouve absolument charmant et extrêmement bien retranscrit, écrit par Rimsky-Korsakov. C'est-à-dire que à la fois il est rapide, il est imprévisible. On sent qu'il va piquer. Non, il est tout dodu. Alors en fait, j'ai choisi ce vol du bourdon parce que c'est un de mes premiers, justement une de mes premières prises de conscience de la haie quand j'étais à York, là, dans ces potagers partagés. Il y avait une passiflore, une fleur de la passion, et il y avait un énorme bourdon, tout noir, tout comme un petit. Alors j'ai pensé tout de suite à Rimsky-Korsakov. Enfin, c'est un interlude en fait dans un opéra de Rimsky. Et donc j'ai pensé à un petit Tsarevitch, et il était tout plein de pollen. Petit Tsarevitch parce qu'il avait comme un manteau de fourrure. Ils ont plein de petits poils, les bourdons. Et là, il était comme avec son petit manteau noir, et il avait ses petites cuisses de bourdon qui étaient pleines de pollen, tout orange, et il s'affairait là de fleur en fleur. Et ils zonzonnaient. Non, moi, je l'ai trouvé extrêmement sympathique. Il me fait pas peur du tout. Et ce que je trouve très fort dans ce morceau, c'est que donc il est à la fois rapide et imprévisible comme un insecte. Et puis on a l'éloignement, c'est-à-dire qu'on passe du piano au forte, et puis il y a cette gamme chromatique. On a vraiment l'impression de saisir le déplacement du butineur en vol. J'ai une question qui renvoie à ma propre enfance. Ma grand-mère me montrait souvent des mauvaises herbes. Et elle me disait, voilà, ce sont des mauvaises herbes. Et je ne voyais pas très bien la différence entre ces herbes et les autres. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une mauvaise herbe? Est-ce que ce sont des herbes qui contiennent le mal en elles-mêmes? Non, pas du tout. Ou est-ce qu'elles sont... Vous voyez que vous avez quand même des souvenirs... Ils sont pas vagues. De haies, mais pas loin. Ça, c'est vraiment intéressant parce que dans la haie, il y a plein de ces plantes, les ronces, il y a aussi des animaux, je sais pas, les fouines et limaces, que le jardinier chercherait à déloger. Et ça montre vraiment, non, il n'y a pas de plantes qui effectivement sont mauvaises en elles-mêmes. C'est vraiment le cultivateur et le jardinier qui décrète, bah ça, cette plante, j'en ai besoin et celle-ci, j'en ai pas besoin. Ce qui est vrai, c'est que dans la nature, que ce soit dans la forêt, dans les plates-bandes, dans les champs, il y a une vraie bataille de racines pour capter les éléments nutritifs du sol, et dans les airs pour prendre la lumière, le soleil. Et c'est intéressant de réaliser que depuis qu'on s'inquiète pour le réchauffement climatique, il y a tout un courant, et qui commence en Angleterre dès le XVIIIe siècle, pour réhabiliter ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Et alors, il faut séparer les mauvaises herbes, qui sont juste des herbes qui poussent plus vite que les autres, qui peuvent d'ailleurs être extrêmement utiles, qui peuvent être des auxiliaires. Par exemple, c'est une copine agricultrice qui me faisait remarquer que le rumex et le pissenlit, ils ont des racines qui pivotent, qui sont des vrais pivots. Et donc, elles vont très profond dans la terre. Et donc, elles font à terme, ouais, c'est vrai qu'elles sont gênantes de prime abord, mais à terme, elles labourent, en fait, de façon très naturelle. Elles font remonter les sels minéraux. Donc, ça, ce sont des plantes, des mauvaises herbes classiques qui sont simplement plus robustes que bien des plantes cultivées. Mais on peut parler aussi des espèces exotiques envahissantes, comme par exemple les perruches à collier qu'on voit dans Paris, là, qui passent en bande, qui sont extrêmement agressives. Alors, en fait, ce sont des espèces exotiques, pas au sens, elles viennent forcément des pays chauds, mais elles ne sont pas du lieu, elles ne sont pas autochtones. Et alors, soit elles s'acclimatent, la plupart du temps, dans 90% des cas, ces plantes-là, ben, elles vont faire leur trou, comme le marronnier d'Inde, qui sont si jolies là en ce moment, qui font des hampes florales blanches ou roses. Et donc, ces marronniers, ils ont été introduits au 16e siècle, je crois, en Europe, et ils se sont bien acclimatés, ils ont fait de mal à personne. Mais vous avez des espèces qui prennent leur aise. Il y a l'ambrosie, il y a la chenille processionnaire, et qui donc peuvent être dangereuses pour les humains et les animaux, ou qui en tout cas dérèglent un écosystème, prennent trop d'importance, et là elles peuvent être considérées comme nuisibles. Est-ce que vous pourriez proposer une définition qu'on pourrait qualifier, disons, de philosophique de la haie? De quoi est-elle le symbole? Parce que vous expliquez qu'elles permettent de séparer l'espace et en même temps elles relient le vivant. Et donc c'est pas exactement la même chose qu'une frontière, quoique ça dépend du sens qu'on donne au terme de frontière. Mais est-ce qu'on pourrait transposer tout ce que vous êtes là en train de dire sur les haies, leur utilité, leur symbole, à la frontière entre pays? Parce qu'aujourd'hui on a tendance à vouloir rétablir des frontières. Parfaitement. Moi j'aime bien la notion d'espace-seuil. J'aime bien la notion d'espace seuil et évidemment donc à la fois un seuil, là, une limite, et puis un espace, le début de quelque chose, parce que on peut dire aussi que dire non à quelque chose, c'est dire oui à d'autres choses. J'aime évidemment cette notion de trait d'union et aussi, tout à l'heure, je disais sans penser à, le sans y penser. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'un des problèmes aujourd'hui, alors là, au-delà de la géopolitique, plus, d'un point de vue plus écologique, on se rend compte qu'un des problèmes des humains, c'est qu'ils consomment, ils abîment, ils détruisent la nature sans y penser. Je dis pas du tout qu'il faut arrêter de couper des arbres, d'arracher quand même, des haies. Quand même, quand ça se passe près de chez vous, ça alors, fait un chapitre dans votre livre. Oui, parce que justement, c'est justement quand je vois non loin de chez moi, dans un ancien hôpital bien caché, la mairie de Paris a fait abattre plus de 50 arbres. Ça va trop vite. C'est-à-dire que ces arbres que moi je les ai vus pousser, ils étaient plus que cinquantenaires, et donc j'ai vu le temps qu'ils mettaient à pousser. Et c'est vrai que c'est très choquant de voir une tronçonneuse qui de façon industrielle et évidemment sans réflexion abat les arbres qui se retrouvent des énormes marronniers, platanes, tilleuls qui se retrouvent comme des tranches de saucisson sur une planche, ça fait mal au cœur. Mais voilà, c'est justement ce sans y penser par lequel les humains détruisent ou consomment la nature que je trouve problématique. Or, les haies nous rappellent, en fait, elles sont une limite à notre hubris, à notre orgueil démesuré, et elles nous rappellent que, attention, toute la nature, tout le vivant, y compris le plus insignifiant, à son intérêt. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des inondations, les habitants, les maires, les élus disent « mais on veut des haies, il faut replanter des haies, parce que les haies canalisent l'eau et l'arrêtent ». On coupe des arbres, mais on construit des fausses haies, des haies artificielles. Je n'ose même pas vous demander, Sonia Fairchas, ce que vous en pensez. Bah oui, ça, évidemment, c'est pas très compliqué d'imaginer que je ne les apprécie pas beaucoup. Vous dites que ce sont des simulacres de ravissement. Oui, ce que je trouve absolument passionnant en s'intéressant à donc ces guirlandes qui dégoulinent là ces floraisons de plastique là qui dégoulinent des cafés, des restaurants. Ce que je trouve intéressant, c'est que les gens qui se prennent en photo devant et qui vont se mettre devant ces fleurs comme si c'était des vraies fleurs, en fait, ils savent pertinemment que ce sont des fausses fleurs. La question n'est pas naturelle ou artificielle. La question, on est vraiment dans un effet de post, enfin dans la post-vérité. La question, c'est cet effet de nature qui semble les satisfaire. Je me satisfais d'un effet de la nature, et même s'il est fait de plastique. Et ça, je trouve ça très intéressant. Au mieux, ça prouve qu'on a vraiment besoin, on étouffe dans les villes et on a besoin d'un retour de connexion avec le vivant. Mais au pire, c'est la post-vérité et ça, je trouve ça un peu grave. Et les jardins verticaux ? Alors ça, c'est tout à l'heure, pour rentrer chez moi à vélo, je vais passer devant le musée du Quai Branly qui est tapissé d'une œuvre de Patrick Blanc, qui est une merveille, un mur végétal. Et puis ensuite, je vais longer une rue dans laquelle il y a des haies beaucoup plus modestes. Mais je me faisais la réflexion que si le mur végétal est plus spectaculaire, eh ben il y a quelque chose qui lui manque. Bon, outre que par ailleurs, en général, ce sont des plantes qui ne vivent pas dans la terre, qui sont vraiment sous perfusion, au milligramme près d'engrais. Elles sont entretenues pour le coup. Elles sont vraiment vraiment entretenues. Et on peut pas parler d'écosystème. C'est plus un système artistique. On se complique la vie. Ah, complètement. Donc d'un point de vue biodiversité, etc. C'est pas forcément grand chose. Mais surtout, moi, ce qui me gêne, c'est que même si c'est beau, il y a pas de surprise possible. En fait, ce que je trouve intéressant, et ça rejoint cette idée du hors-champ, c'est que dans la haie, il y a toujours la possibilité d'une surprise, parce qu'on ne voit pas. Et puis, il peut y avoir un chat qui passe, on peut découvrir un nid d'oiseau. Elle est très différente selon l'échelle à laquelle on la regarde. Ouais, alors ça aussi, ça permet des expériences situées. Ça aussi, c'est un exercice de pensée extrêmement intéressant pour les humains, pour ne plus être sans y penser, de réaliser, de voir justement toutes les bestioles qui vivent dans la haie et qui font par exemple les cloportes en grignotant tous les petits déchets végétaux, font un humus extrêmement riche. Donc ils enrichissent la terre. De se rendre compte de ça, ça nous fait changer d'échelle. Et ces changements d'échelle sont justement nous aide à lutter contre à résister à notre propre hubris. Comment est-ce que vous comprenez, Sonia Fairchak, cette phrase de Michel Serres qu'il a mise dans son livre Le Malpropre, le propre s'acquiert et se garde par le sale. Salir, c'est s'approprier. Ouais, je trouve ça extrêmement puissant. Comment est-ce que puissant. Vous la comprenez relativement à la question des haies que vous traitez? Vous prenez une haie de terrain vague, c'est-à-dire que quand elle est pleine de déchets, plus personne n'a envie de l'allonger. Et voilà, elle appartient plus au registre du vivant. Et son exemple, il est chouette. C'est je crache dans la soupe, ben voilà, ça c'est mon assiette, c'est plus celle de nulle autre personne. Et j'aime dans ce texte quand il oppose les deux déluges. Il dit que le déluge biblique, c'est la culture des humains qui est ensevelie sous la nature. Et aujourd'hui, justement, on est des malpropres et la nature est ensevelie sous notre culture. Vous citez beaucoup de spécialistes d'écologie dans votre livre, mais est-ce qu'il y a des auteurs, des écrivains qui, à votre avis, ont bien parlé de la haie? Vous avez cité Colette tout à l'heure, mais il y en a sans doute d'autres. Oui, alors il y a Thoreau, Henri David Thoreau, qui est un des inventeurs, alors un des pères de l'écologie et du nature writing, donc de l'écriture de la nature. Alors c'est vrai que les anglo-saxons sont très bons pour ça, mais on voit fleurir en France. Je pense que la nature, le vivant deviennent des personnages. Cécile Coulonge, je pense à elle. On pourrait citer chez les Américains Gabrielle Talente, My Absolute Darling, c'est un roman foisonnant. Donc la nature, sans doute aussi parce que encore une fois on s'inquiète pour elle, on la voit comme une victime à l'ère de l'anthropocène, devient un personnage à part entière. J'ai une devinette pour vous, Sonia Fairchak. C'est la dernière question de l'émission. Qui a écrit, à votre avis, cette phrase, ces deux phrases? La haie formait comme une suite de chapelles qui disparaissaient sous la jonchée de leurs fleurs amoncelées en reposoir. Au-dessous d'elle, le soleil posait à terre un quadrillage de clarté. Proust. Gagné. Qu'est-ce que vous avez mis sur la bonne voie? Vous la connaissiez? Non, je la connaissais pas, mais en fait, je sais pas pourquoi, c'est le côté spirituel. J'ai pensé à Combray. Voilà, je sais pas, j'étais... Puis le phrasé, justement, il écrivait des haies de mots, lui. C'est parce que la phrase était longue. Peut-être. Bon, nous allons écouter maintenant la chronique d'Alexandra Delbo, avec science. Comment fonctionne l'olfaction des insectes? C'est un enjeu essentiel au-delà de la simple recherche fondamentale. Comprendre comment sont perçues les molécules odorantes par les insectes nous permettrait de détourner le fonctionnement des plus invasifs d'entre eux, moustiques, criquets ou sauterelles par exemple. Et finalement, qu'on soit coléoptère ou mammifère, l'odorat implique deux choses, un ligand et un récepteur. Le ligand, c'est une petite molécule odorante et le récepteur, c'est une grosse protéine où va venir se loger ce ligand. Et c'est cette liaison qui va ensuite déclencher toute une cascade de signalisation de neurone en neurone pour dire « Ah oui, j'ai bien senti quelque chose ». Ça, c'est ce qui nous rassemble au niveau odorat, les insectes et nous. Mais ça s'arrête là. En réalité, l'olfaction des insectes et des mammifères a suivi deux chemins évolutifs bien différents. Jérémy Taupin est maître de conférence à l'Institut de chimie de l'Université Côte d'Azur à Nice et co-auteur de cette étude parue dans Nature Communications. Ce qui est assez fascinant dans le monde de l'olfaction, c'est que la nature a inventé deux fois le mécanisme de l'olfaction. Donc on a deux systèmes qui sont différents, que vous soyez un mammifère ou soyez un insecte, mais qui ont le même but. Alors structurellement, la plus grande variation entre les deux, c'est que chez le récepteur olfactif chez l'insecte, c'est-à-dire qu'on a quatre sous-unités qui vont former un canal ionique comme un tuyau dans la membrane du neurone olfactif des insectes et permet en fait un échange entre l'extérieur et l'intérieur du neurone. Chaque sous-partie a une fonction particulière, c'est-à-dire qu'une sous-partie du récepteur va reconnaître les molécules odorantes et l'autre sous-partie va être plutôt impliquée dans la construction du récepteur, sa stabilité et l'ouverture du canal. Alors que chez les mammifères, on va avoir seulement une seule sous-unité, un récepteur, qui lui ne forme pas de canal, mais va permettre en fait une communication entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule. Un morceau chez les mammifères, quatre morceaux chez les insectes. Dans ces quatre parties du récepteur, il y en a une qui se lie à l'odeur et une autre qu'on appelle le co-récepteur, qui sert plutôt d'échafaudage. C'est le schéma qu'on dit classique, mais ce qu'on veut, c'est voir et comprendre ce qui perturbe tout cela, ce qui sort un petit peu de la normale. Et il y a une dizaine d'années, a été découvert un ligand, une petite molécule qui perturbe un peu l'olfaction et qui se lie non pas à la partie récepteur de l'odeur, mais à la partie échafaudage. Pourquoi? On ne sait pas. Mais la question qui nous intéresse ici, c'est surtout comment? Parce que le ligand ne devrait pas pouvoir rentrer à l'intérieur. Il est trop gros, il n'a pas la bonne forme pour rejoindre le site de liaison facilement et il doit s'enfoncer très profondément pour le faire. Alors, ce qu'a voulu faire cette étude, c'est comprendre comment le ligand parvient à faire de la spéléo. Pour cela, impossible d'aller regarder ce qu'il se passe en direct. Donc, ces scientifiques ont créé une sorte de microscope computationnel, un microscope simulé à l'aide de modèles numériques pour aller voir à l'échelle atomique comment ce ligand parvient à atteindre sa cible. Et ils ont ensuite confirmé leurs observations avec des expériences in vitro. Résultat, les deux éléments, ligand et co-récepteur, se contorsionnent ensemble. C'est un processus dynamique qui se passe dans lequel le récepteur va changer de forme pour créer un chemin. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est à la fois le ligand qui, lors de son entrée dans la protéine, va pousser certaines parties du récepteur pour vraiment se frayer un passage. Et donc ici, on a une combinaison d'interactions plus ou moins fortes qui vont permettre le déplacement du ligand dans la protéine. C'est un petit peu comme un phénomène de cliquet où on a des sauts, c'est-à-dire que le ligand va sauter d'une marche à l'autre pour passer d'une petite cavité à une autre et doit pousser des parties du récepteur pour pouvoir passer d'un état à l'autre. Donc c'est vraiment un phénomène de saut où on a plusieurs petites cavités et le ligand va sauter de l'une à l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez commun dans différents autres types de protéines. Mais ici, c'était la première fois qu'on observait ce passage du ligand à travers notre récepteur. Et aussi la première fois qu'on met en évidence un tel phénomène dans l'olfaction des insectes et ce co-récepteur, cette partie du récepteur olfactif, est conservée chez les insectes. Cela veut dire qu'il se retrouve dans plein d'espèces différentes. L'enjeu à présent, c'est de créer des molécules encore plus volatiles que ce ligand test et surtout non toxiques pour envisager un moyen de lutte contre certains insectes sans perturber l'ensemble de la biodiversité. Merci Alexandra pour cette chronique en parfaite résonance avec notre sujet. Et merci à vous Sonia Fertchak pour nous avoir parlé des haies. Je recommande la lecture de votre livre « Éloge de la haie pour un désordre végétal » qui vient de paraître aux éditions Philosophie Magazine Éditeur. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Marie-Claire Oumabadi et à la réalisation Hélène Trigueros, que je remercie.